Tous les membres de l'Organisation des enfants de Corée ont fêté solennellement le 70e anniversaire de leur organisation le 6 juin. Ils ont fleuri les statues des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et leur portrait en sourire érigé dans leur pays natal avant de s'incliner devant. La ville de Pyongyang et toutes les provinces ont abrité les rassemblements conjoints des organisations des enfants à l'occasion du 70e anniversaire de l'organisation. Les spectacles artistiques sont donnés par les élèves dans toutes les provinces, dont les provinces du Fang et du Sud et du Sagan. Des jeux sportifs et de distraction ont eu lieu dans les écoles primaires et les écoles secondaires de premier cycle de tout le pays, telles que l'école primaire de Segori de l'arrondissement de Patonggang de la ville de Pyongyang et l'école secondaire de premier cycle de Kimchek de la ville du même nom. Les enfants ont passé leurs fêtes aussi dans les lieux de repos culturels, y compris le parc aquatique de Munsu et le parc de la jeunesse de Kaesŏn.